Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, des résultats du satellite Corot que nous attendions évidemment avec impatience puisque nous avons déjà parlé sur ces podcasts du télescope lancé par le CNES il y a quelques mois. Annie Baglin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et vous êtes surtout dans cette mission responsable scientifique du satellite Corot. Vous êtes chercheuse au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, donc à l'Observatoire de Paris-Meudon. Vous annoncez des résultats qui sont des résultats attendus par la communauté scientifique, puisque l'objectif double de Corot, c'était et c'est évidemment d'observer d'autres étoiles que le Soleil et de voir, alors on va dire entre guillemets, leurs vibrations, et on va expliquer pourquoi. Et puis second objectif, dont on parlera aussi, c'est la détection indirecte évidemment par la méthode dite des transits d'exoplanètes, c'est-à-dire de planètes tournant autour d'autres étoiles. Tout d'abord, premier résultat, l'observation d'étoiles de type solaire et de leurs vibrations, de leur manifestation par la lumière. A-t-on trouvé d'autres soleils avec Corot ? Ben, je vais vous raconter ça un peu plus en détail. Corot observe maintenant depuis 655 jours. Donc nous commençons à avoir beaucoup d'informations. Nous avons observé en détail, justement dans l'objectif de détecter les vibrations des étoiles. Nous avons déjà observé 80 étoiles. Parmi celles-ci, nous avons 3 étoiles particulièrement intéressantes et particulièrement difficiles à observer qui ressemblent au Soleil. Et dans ces 3 étoiles, nous annonçons effectivement la découverte de vibrations qui ressemblent à celles du Soleil. Et nous pouvons aussi, grâce à la qualité des données de Corot, observer sous ces vibrations, je dirais, le bruit de ces étoiles qui est provoqué par des mouvements à leur surface que l'on voit d'ailleurs très bien sur le Soleil et qu'on détecte grâce aux observations de Corot. Le mot vibration, qu'est-ce que ça veut dire? Vibration pour le Soleil, bon, tout le monde n'est pas censé savoir que le Soleil vibre, hein, comme un battant de cloche. Le Soleil vibre comme un instrument de musique et toutes les étoiles vibrent probablement comme des instruments de musique, comme tous les objets qui nous entourent. Lorsque nous les excitons, lorsque nous frappons sur n'importe quel objet, il émet des vibrations. Oui. En général, que nous pouvons entendre. Dans le cas des étoiles, les fréquences ne correspondent pas à notre domaine de sensibilité, mais si vous multipliez les fréquences par à peu près 1000, vous pourrez retrouver des sons audibles émis par les étoiles. Mais qu'est-ce qui fait vibrer une étoile? Parce qu'on ne les frappe pas. On ne les frappe pas, mais à l'intérieur, c'est elles-mêmes qui se font vibrer, si j'ose dire. À l'intérieur, il existe des mouvements, des instabilités, un peu comme dans l'atmosphère, qu'on appelle convective en général, ou bien des mouvements de rotation qui, en fait, produisent de l'énergie qui, en fait, se transmet aux modes d'oscillation qui sont spécifiques de l'objet. C'est comme quand vous soufflez dans un trombone, eh bien, vous ne sortez pas n'importe quelle note, vous sortez des notes qui sont spécifiques du trombone. Alors, ces vibrations nous renseignent sur la nature de l'étoile elle-même. Pour prendre une image peut-être extérieure au domaine astrophysique, c'est quand on écoute la Terre, les tremblements de terre, on les entend. Et ça nous renseigne sur ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Absolument. Justement, c'est la première fois et c'est la seule méthode actuellement qui permet de voir l'intérieur des étoiles directement. Jusque-là, on ne voyait que leur peau. On était un peu en physique stellaire comme, je pense, étaient les médecins du Moyen-Âge. Ils n'avaient jamais ouvert un corps et maintenant, nous ouvrons la peau des étoiles. Alors, le transmetteur, c'est la lumière parce que Absolument. Le son, il n'y en a pas dans l'espace. Absolument. Donc, ce sont la lumière, les photons émis par l'étoile qui sont modulés et dans lesquels on peut détecter des... des phénomènes périodiques. Il faut beaucoup de temps pour attraper ces vibrations lumineuses. Quand on observe une étoile de type solaire, comme les trois étoiles dont vous allez présenter les résultats. Oui, alors c'est aussi une des particularités de Corot, c'est que nous observons pendant très longtemps, jusqu'à 150 jours, et continuellement, c'est-à-dire sans arrêt, enfin presque pas d'arrêt, 5% d'arrêt. Donc, grâce à cela, nous obtenons une très très bonne précision sur les périodes qui sont présentes dans le signal. Il faut dire aussi que ces signaux sont extrêmement faibles. On disait tout à l'heure, on ne voit pas le soleil vibrer. Évidemment, l'amplitude de ces vibrations, c'est quelques millionièmes, c'est-à-dire c'est des millièmes de millièmes. Donc c'est très faible. Pour les étoiles, c'est du même ordre de grandeur. Et c'est encore plus difficile à voir. Donc, il faut observer longtemps pour accumuler un maximum d'observations et sortir de ces observations l'information qu'on cherche. Qu'est-ce qui est nouveau ? Est-ce que c'est de voir vibrer les étoiles de type solaire à grande distance ? Peut-être vous allez nous donner d'ailleurs la distance. Ou est-ce que c'est finalement l'information qu'on va en extraire ? Oui, je pense que ce qui est vraiment... Nous savions que certaines étoiles vibraient. Nous les avons observées depuis le sol par des méthodes différentes, en spectroscopie par exemple, parce que par la méthode photométrique qu'utilise Corot, l'atmosphère était trop pénalisante. Mais on a fait des premières mesures, donc on savait que certaines étoiles vibraient. La grande originalité de Corot, et qui, à mon avis, ne sera pas dépassée avant longtemps, c'est la qualité des mesures. C'est-à-dire, c'est la précision avec laquelle on fait les mesures, et comme je le disais tout à l'heure, la continuité et la durée d'observation. Donc, ceci nous permet d'accéder à des vibrations de très, très petite amplitude, très faibles. Donc, en particulier, les vibrations analogues au Soleil dans des étoiles qui, elles, sont beaucoup plus loin que le Soleil et nous envoient beaucoup moins de photons, beaucoup moins d'informations. Beaucoup plus loin, c'est quelle distance pour ces trois étoiles ? Je ne les ai pas précisément en tête, mais c'est de l'ordre d'une centaine à 200 parsecs, c'est-à-dire 300 à 1000 à peu près années-lumière d'ici. Années-lumière. Alors, c'est pas, je dirais, c'est pas un gros télescope, Corot. Le miroir du télescope, c'est un peu plus de entre 20 et 30 cm, si mes souvenirs. C'est 20. Le diamètre équivalent est de 27 cm. 27 cm. Mais il est dans l'espace, donc c'est déjà un bon petit télescope. C'est suffisant pour observer justement des étoiles jusqu'à à peu près 500 à 1000 années-lumière. Alors, pour une astronome, quand on dit observer des étoiles de type solaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on sait que le Soleil est une étoile entre guillemets banale. On sait ce qu'on dit toujours, même si on habite autour. Bon, il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses. Observer des étoiles de type solaire, qu'est-ce que ça nous dit sur la galaxie dans laquelle nous naviguons, si je puis dire ? Est-ce que ça va nous permettre de mieux comprendre comment le nôtre s'est organisé ? Qu'est-ce que vous en tirez comme information ? Eh bien... On ne sait pas encore. Je pense qu'on va en tirer beaucoup d'informations. Pour le moment, c'est justement ce qu'on peut déjà dire, c'est que le Soleil est une étoile bien banale et bien simple. Et c'est heureux puisque c'est la première étoile pour laquelle on a vraiment mis au point toutes ces méthodes de traitement des vibrations. Et c'était relativement facile. Donc, on a, par exemple, été capable de mesurer la température centrale du Soleil avec une très grande précision. En fait, là, nous apercevons, dès ces premières données, que la plupart des étoiles sont beaucoup plus compliquées que le Soleil, parce qu'elles sont plus jeunes, parce qu'elles tournent plus vite, et aussi parce qu'elles ont une structure interne qui est beaucoup plus compliquée. Et donc, cette structure interne très compliquée jusqu'à maintenant, nous n'y avions pas accès, nous faisions des hypothèses dessus. Et il est un point extrêmement important qui est que les étoiles un peu plus massives que le Soleil, juste un petit peu plus massives que le Soleil, ont un cœur mélangé, très, très homogène, dans lequel se produisent les réactions nucléaires. Et la taille de ce cœur permet de déterminer l'âge de l'étoile à peu près. Or, nous ne connaissons pas la taille de ce cœur. Nous avons fait des hypothèses dessus. Et je peux vous dire que probablement, dans quelques temps, on pourra prouver avec les données de Corot que l'idée qu'on avait sur la taille de cette zone mélangée n'était pas correcte, que probablement elle est beaucoup plus grosse que ce qu'on ne croyait, ce qui veut dire que ces étoiles-là vont vivre beaucoup plus longtemps qu'on ne le croyait. Donc, en termes d'évolution de la galaxie, c'est probablement une révision importante de l'échelle des âges dans la galaxie et peut-être de l'âge de la galaxie elle-même. Ah oui, ça a des conséquences importantes. Je pense, oui. Bon, c'est encore trop tôt pour le dire, mais ça aura des conséquences importantes. Et c'était un des objectifs vraiment centraux qui nous avait conduit à définir le programme Koro. Et nous voyons là que nous allons atteindre. Aujourd'hui, en astronomie au sol, on voit apparaître des observations sur les étoiles qui sont aussi très intéressantes. Enfin, je pense à ce qui se fait, par exemple, au VLT, en mélangeant la lumière des différents télescopes, on commence à obtenir des détails de la surface des étoiles. Et en particulier, on voit qu'il existe des taches, comme sur le Soleil. Est-ce que ce sont des informations qui peuvent se mélanger avec les informations spatiales que vous avez avec Koro ? Avec Koro, on va voir très très bien les inhomogénéités à la surface des étoiles, puisque en fait, ces inhomogénéités qu'on appelle des taches produisent des variations de lumière. Et en fait, dans beaucoup d'objets, on voit la première chose qui saute aux yeux dans les résultats de Koro, c'est une périodicité assez longue, de l'ordre de 3, 4, 30 jours. Et en fait, cette périodicité-là, c'est la rotation. C'est le fait que régulièrement, des taches passent devant la surface de l'étoile, enfin devant le télescope, si j'ose dire, comme les taches solaires que l'on voit tourner puisque l'objet tourne. Donc nous allons avoir beaucoup d'informations sur l'état de rotation des étoiles. Et dans ce sens, il y a un travail qui va bientôt sortir, qui va donner une idée de la façon dont évolue justement la rotation, et la rotation vraie cette fois, des étoiles qui ressemblent au Soleil au cours de leur évolution, en utilisant un échantillon d'étoiles qui ressemblent au Soleil, mais qui sont ou plus jeunes ou plus vieilles. On va pouvoir, avec Koro, préciser comment l'étoile ralentit, comment sa rotation évolue. Alors, évidemment, les résultats qui sont obtenus depuis le Sol sont extrêmement intéressants et on pourra essayer de les confronter. Pour le moment, les étoiles observées depuis le Sol sont des étoiles proches et très brillantes. Donc, il n'y en a pas beaucoup dans le programme Koro, malheureusement. Oui, parce que vous êtes centré sur quelques régions du ciel que vous fixez en continu pendant très longtemps pour essayer justement d'attraper toutes les petites variations. Donc, ça, voilà. C'est vraiment le principe. Et nous voulions quand même être capables d'étudier un nombre assez grand d'étoiles, une variété d'étoiles, c'était le programme Koro. Nous n'avons pas pu observer les étoiles les plus brillantes parce qu'il n'y en a pas assez. Et ensuite, le télescope n'aurait pas été suffisamment sensible pour des étoiles plus faibles. Donc, nous avons un intervalle de luminosité qui ne nous permet pas de pointer les étoiles très brillantes. Vous regardez dans quelle direction du ciel ? Eh bien, nous regardons dans deux directions diamétralement opposées, que nous appelons les yeux de Koro. Ces deux directions sont à l'intersection du plan équatorial et du plan galactique. Alors en fait, pourquoi le plan équatorial ? Parce que l'orbite de Koro est polaire, c'est-à-dire que le satellite passe par les deux pôles à chaque orbite, et c'était la seule solution pour avoir une orbite qui ne précesse pas, qui soit fixe par rapport aux étoiles, et qui donc permette d'observer pendant très très longtemps. Le deuxième calage, proche du plan galactique, c'est dû au fait que c'est le programme exoplanète qui l'a imposé. Il nous fallait observer beaucoup d'étoiles dans un intervalle de magnitude donné, suffisamment pour pouvoir penser faire quelques détections, puisqu'il y a beaucoup de déchets dans ce processus. Et donc, il fallait aller dans des régions denses, proches du plan galactique. Et ça a été un compromis difficile, parce qu'il faut à la fois que ce soit dense, mais en même temps, il faut que ce soit pas trop dense, parce que si c'est trop dense, les images des étoiles se confondent les unes les autres et on n'arrive plus à faire d'observation. Oui, donc, j'imagine. C'était un calage très fin. Oui, parce que c'est quoi ? C'est 15 000, 20 000 étoiles dans un champ ? Dans le champ de Koro, pour le programme exoplanète, nous observons à la fois 12 000 étoiles qui sont sélectionnées. Il y en a beaucoup plus dans le champ, jusqu'à, donc pour les astronomes, la magnitude 16, nous observons 12 000 étoiles à la fois. Donc il faut les trouver et de préférence, nous cherchons à les sélectionner un petit peu, même si nous les connaissons très mal, ces étoiles lointaines. Nous essayons de les sélectionner un petit peu pour éviter d'observer trop d'étoiles de grands rayons. Nous cherchons les naines. Pourquoi ? Eh bien parce que comme, bon, cette fois nous passons au programme exoplanète, comme le transit est en fait un phénomène géométrique et que la variation de luminosité est en fait directement reliée au rapport du rayon de l'étoile au rayon de la planète. Si le rayon de l'étoile est grand et le rayon de la planète petit, le signal sera très faible. Si le rayon de l'étoile est plus petit, le signal sera meilleur. Alors c'est le second programme Coro, comme vous dites. Hein, oui. C'est-à-dire peut-être le volet le plus médiatique du télescope, en tout cas aujourd'hui, la façon dont il a été le plus promu. L'idée qu'il pouvait observer, et il observe d'ailleurs, le passage de planètes devant l'étoile. Donc c'est le principe du transit, où vous avez une diminution du signal de l'étoile, le signal lumineux, qui peut correspondre au passage d'une exoplanète devant son disque. Là aussi, c'est quand même subtil. Oui, c'est très subtil. Et d'ailleurs, c'est probablement ce qui explique que les deux programmes ont été rassemblés dans une même mission. C'est qu'ils ont ils ont les mêmes demandes vis-à-vis de l'instrument. Donc, cette extrême précision photométrique et aussi la durée et la continuité de l'observation. Vous avez eu beaucoup d'observations. Nous observons depuis le lancement, nous avons observé 7 champs différents dans lesquels nous avons, selon les cas, observé 150 jours ou une trentaine de jours. Et vous avez vu beaucoup d'étoiles dont le signal pouvait correspondre à un passage d'exoplanète ? Alors, évidemment, nous voyons beaucoup de transits par observation. Donc, ces observations de 12 000 étoiles pendant une durée assez longue. En général, nous avons entre 250 et 300 événements qui sont des transits, donc des alertes, des alarmes. Ensuite, ces alarmes, il faut les confirmer parce que malheureusement, il n'y a pas que les planètes qui font des transits de petite taille. Il peut y avoir, par exemple, des étoiles binaires qui sont confondues avec la tache de l'étoile, ou il peut y avoir une petite étoile devant l'étoile principale. Donc, il faut vraiment confirmer la nature planétaire de ce transit. Et c'est là que ça devient plus difficile. Pour celui qui ne connaît pas vraiment l'environnement stellaire autour du Soleil, on va dire, le Soleil est dans la galaxie, c'est quand même un gros engin la galaxie, il y a beaucoup d'étoiles autour, mais quelle est la connaissance que nous avons de ce système qui... je vais prendre simplement une distance, ça pourrait être n'importe laquelle, mais je veux dire dans les 300 ou 500 années-lumière de distance de rayons autour du Soleil. Est-ce qu'on connaît bien ou finalement est-ce que c'est une masse un peu indistincte d'étoiles, en sachant qu'il y a des satellites qui ont observé avec beaucoup de précision? Je pense à Hipparcos en particulier, qui a fait une vraie carte du ciel presque en trois dimensions avec les mouvements. Mais quelle est la nature des supports sur lesquels vous vous basez, vous, astronome, pour bien comprendre l'environnement local stellaire? Mais en fait, vous avez cité Hipparcos, certes, Hipparcos a été très important pour mesurer à la fois les distances et les mouvements. Pour ce qui concerne les caractéristiques physiques des étoiles, il faut faire appel plutôt à des grands télescopes au sol et faire de la spectroscopie pour connaître le mieux possible leur température, leur composition et éventuellement faire des hypothèses sur leur âge, mais ce sont des hypothèses. Donc en fait, on a quand même une assez bonne connaissance de ce qu'on appelle les populations stellaires dans le domaine où observe Coro. Cependant, nous avons été obligés de faire des observations complémentaires pour préciser un petit peu la nature des objets qui étaient dans les champs coraux et les sélectionner, puisque nous en sélectionnons 12 000 parmi, en général, le double à peu près. En gros, il y a une foule et si on veut voir les individus, il faut aller les chercher. Voilà, absolument. Et en fait, quand les individus, c'est des planètes, il faut aller les chercher avec énormément de perspicacité parce que... Sur 12 000 étoiles, pour le moment, nous avons confirmé définitivement deux planètes à chaque fois. Donc, il faut être extrêmement perspicace.